Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Adélard Godbout et la loi de l'instruction publique obligatoire. En sollicitant leur clémence pour tant d'années d'oubli, je tiens à assurer les membres de la famille que nous apprécions à sa juste valeur l'héritage d'Adélard Godbout et surtout que nous continuerons à la préserver et d'en être dignes. Le chef du Parti libéral du Québec, Jean Charest, au moment de la cérémonie d'inauguration de la statue d'Adélard Godbout sur les pelouses de l'Assemblée nationale du Québec en octobre 2000, premier ministre du Québec de 1939 à 1944, Adélard Godbout accordera le droit de vote aux femmes en 1940. C'est également son gouvernement qui donnera au Québec son premier code du travail en 1944 et qui, la même année, procédera à la création d'Hydro-Québec. Enfin, c'est à ce précurseur de la Révolution tranquille que l'on doit l'importante loi sur l'instruction publique obligatoire en 1943, premier pas vers la création dans les années 60 du ministère de l'Éducation du Québec. La prise de conscience d'un problème, elle s'est faite en 40 ou 41. On avait constaté que les jeunes quittaient l'école vraiment très tôt. Et le comité catholique du Conseil d'instruction publique, avait fait faire une enquête par le père Baudouin, si je me rappelle bien, qui était un jésuite. Et il a constaté qu'à partir de 12 ans, 13 ans, les jeunes quittaient l'école en masse, à peu près à l'âge de la communion solennelle. Et cette enquête-là a conduit le comité catholique à proposer la première loi de fréquentation scolaire obligatoire qui a été passée en 1943 sous le régime de Godbout et qui a donné lieu d'ailleurs à des discussions philosophiques sur le principe même d'obliger les jeunes à rester à l'école. Arthur Tremblay, ancien haut fonctionnaire québécois qui a travaillé aux réformes de l'éducation dans les années 60 et qui parle donc des circonstances qui vont mener en 1943 à l'adoption de la loi sur l'instruction publique obligatoire par le gouvernement libéral d'Adélard Godbout pour nous raconter la petite histoire de cette grande loi. Mon invité est Éric Bédard, historien et professeur à la TELUC, habitué de l'émission. Éric, bonjour. Bonjour. C'est vrai, Éric, que cette loi-là, la loi de l'instruction publique, va être une des grandes lois adoptées au Québec. On va revenir sur cette loi tout au cours de l'émission, mais reculons un peu de contexte d'abord sur Adélard Godbout, oui. Sur son élection. Qui est-il? Comment arrive-t-il au pouvoir en 1939? Alors écoutez, jusqu'au documentaire de Jacques Godbout, son neveu, écrivain bien connu, c'est vrai que Adélard Godbout était un peu tombé dans l'oubli. C'est comme si c'était une sorte de petite parenthèse à l'intérieur de ce long règne de l'Union nationale qui commence en 1936, un moment d'effervescence à l'époque, plein d'espoir, et qui se termine en 1960 avec le début de la Révolution tranquille. Un peu comme si dans la mémoire collective, c'était éclipsé, ouais, cette parenthèse libérale, mais qui est très importante, vous l'avez mentionné au début de l'émission, avec des réformes fondamentales. Et l'une de ces réformes, hein, droit de vote des femmes, création d'Hydro-Québec. Hein, ouais. Hydro-Québec, on pense que c'est 1962, mais non, c'est avec la nationalisation de la Montreal Light Heat and Power à Montréal. Donc, on a créé Hydro-Québec à ce moment-là. Et donc, Adélard Godbout, qui était un esprit assez avant-gardiste, a adopté en 1943 cette loi, en effet, structurante, fondamentale, oui, sur l'instruction obligatoire. Mais comment il arrive, justement, vous parliez de cette vision qu'on a longtemps eue, petite parenthèse, alors que ça a été un mandat, oui, très riche de réformes, comment il arrive au pouvoir? Alors, d'abord, Adélard Godbout devient chef du Parti libéral et premier ministre du Québec pendant une très, très brève période, en 1936, dans un climat de déliquescence du parti, du régime libéral, qui est au pouvoir depuis 1897. Mmh. Alors donc, ça fait 39 ans qu'il est au pouvoir. Scandale de corruption. C'est la fin des années Tachereau. C'est la fin d'un règne. Il remplace Alexandre Tachereau, un aristocrate, un homme de la haute société. Mais il perd le pouvoir aux mains de l'Union nationale. Et en 1939, une élection vraiment spectaculaire, puisqu'elle porte sur l'enjeu de la conscription. On voit venir la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Elle a même été... tout ça est dans l'air. Donc, il y a ce débat que lance Maurice Duplessis en disant « Je serai votre paratonnerre, je serai votre défenseur, votre bouclier contre ce gouvernement fédéral qui certainement va imposer un jour la conscription comme les conservateurs l'avaient fait en 1917. » Et donc, Ça ne marchera pas pour Maurice Duplessis, puisque les libéraux fédéraux à l'époque vont s'engager à ne pas imposer la conscription, avec donc l'alliance d'Adélard Godbout qui fera campagne. Et les Québécois vont croire, les libéraux, et vont donc élire Adélard Godbout comme premier ministre du Québec. Et il va gouverner jusqu'en 1944. Oui, avec ces grandes réformes dont on a parlé, dont celle de l'adoption de cette loi sur l'instruction obligatoire, il faut dire tout de suite que Godbout vient du monde de l'éducation, croit à l'éducation comme instrument de développement d'un peuple. On l'écoute lors d'un discours parler justement de l'importance de l'éducation. Nous sommes en février 47. Il parle à un rassemblement des clubs des habitants. Et écoutez-le, il leur parle de la nécessité d'une bonne éducation. En particulier, il donne l'exemple, en fait, des agriculteurs. Nos fils de cultivateurs sont pratiquement tous des lettrés, au sens qu'on l'entend ordinairement. Ils savent signer leur nom, ils ont su lire. Mais vous ne vous rendez pas compte, vous qui n'êtes pas des agronomes, vous ne vous rendez pas compte combien de fils de cultivateurs ne savent actuellement pas lire de façon pratique et par conséquent ne peuvent pas s'intéresser à toutes les revues qui sont mises à leur disposition pour leur enseigner leur art excessivement difficile et compliqué. Le fils du cultivateur devrait être instruit, non seulement instruit de façon à pouvoir lire les choses qui concernent sa propre profession, mais il devrait être instruit de façon à pouvoir suivre les mouvements d'idées dans le monde. Il devrait être instruit de façon à pouvoir suivre également la situation économique du monde, les possibilités d'ouverture de marché pour les produits qu'il prépare déjà sur sa ferme et pour ceux dont il pourrait entreprendre la production et dont il ne s'occupe pas actuellement. Le cultivateur devrait être très instruit. Il ne l'est pas suffisamment. Ah, c'est intéressant, cet extrait, Éric Bédard, parce qu'il parle de la nécessité d'une bonne éducation pour une catégorie de gens qu'à tort, on juge peut-être pas devoir être très instruits, les agriculteurs. Mais ça nous montre surtout la vision qu'a Adélard Godbout. L'éducation, c'est un outil de développement humain, professionnel, économique. Il y croit vraiment. Je crois que, à moins qu'on me corrige, mais je suis pas mal sûr de mon coup, Adélard Godbout, c'est le premier non-avocat de l'histoire, qui va être premier ministre du Québec. Enfin, il l'a été quelques semaines en 1936. Historiquement, c'était des avocats. C'est encore beaucoup des avocats qui comptent le plus grand nombre de politiciens au Québec, au Canada. Mais là, lui, ce n'est pas un avocat, c'est un agronome. Et c'est un professeur au collège de la Pocatière. Un éducateur lui-même. Et lorsqu'il sera premier ministre, il y a plusieurs réalisations à son actif sur le plan de l'éducation. Il va créer le Conservatoire de musique et d'art dramatique. Ce n'est pas rien. On avait eu des rumeurs il y a quelque temps qu'on allait les fermer, mais il a été le fondateur. Il a aussi créé le Conseil supérieur de l'enseignement technique. Il a inauguré les nouveaux bâtiments. C'était pas lui qui avait lancé le projet, mais il a inauguré les nouveaux bâtiments de l'Université de Montréal sur le flanc nord du Mont-Royal, qui sont magnifiques, hein, dessinés par Ernest Cormier. Alors, il a inauguré ces bâtiments. Tout ça avait été stoppé durant la crise des années 30, mais c'est pas grave. Il a vraiment donné cette impulsion. Et donc, c'est pas étonnant que ce soit cet homme qui a fait adopter cette loi en 1943. Il croyait à l'éducation. Il croyait à l'éducation comme beaucoup des membres de son élite libérale à laquelle il s'identifiait. Il était de cette tradition libérale qui croyait beaucoup aux lumières de l'éducation. Et donc, ce n'est pas une coïncidence. Ouais. Et on part de loin. Ce sera la première marche vers le système d'éducation plus moderne du Québec, cette loi de 1943. Mais on part de très, très loin. Peut-être rappeler aux gens à quoi ressemble ce système d'éducation québécois, si on peut parler d'un système d'éducation, quand il prend le pouvoir en 1939 à Adélard Godbout. Alors, écoutez, c'est un système d'éducation qui démarre véritablement au milieu du 19e siècle. Je vous donne quelques chiffres. En 1844, il y a 1569 écoles au Québec. Il y en aura 3826 en 1866. Il y a 57 000 élèves en 1844. Il y en a 216 000 en 1866. Donc, il y a un démarrage, il y a un décollage au milieu du 19e siècle, mais ce qui est surtout répandu, c'est l'école primaire. Ouais. La grande majorité des Québécois, pendant longtemps, considèrent que, bon, savoir lire et écrire, c'est ce qu'il faut. Et puis après, bon, c'est pour une petite catégorie de gens qui sont très doués. Mais pour le reste, on retourne travailler. Bon. Alors, en gros, le système, c'est une maternelle qui est facultative. Mm-hmm. Hein, c'est ça le système à l'époque. Une maternelle qui est facultative, qui a été créée en 1923. Ensuite, le cours primaire, qui était de 6 ans jusqu'en 1937, mais qui est de 7 ans à partir de 1937. Et si on veut poursuivre après le primaire, eh bien, il y a le cours complémentaire de 2 ans. On a 4 champs. On a le domaine agricole, industriel, commercial, ou les écoles ménagères, qui a été fondée au début du siècle. Et si on poursuit encore pour 3 ans, et là, c'est le primaire supérieur. Ouais. Et là, même chose, on poursuit sur... bon. Mais la grande majorité des gens considéraient qu'une fois qu'on avait sa 7e année, hein, ouais, comme on a souvent... on a entendu nous-mêmes dans nos familles, une fois qu'on avait une bonne 7e année forte, c'est resté même en souriant, eh bien, ça allait. Ouais. Ça allait, on avait ce qu'il fallait, à moins de vouloir devenir un avocat et de passer, à ce moment-là, par la filière des collèges classiques. Ouais. Et aucune, évidemment, donc, aucune obligation de poursuivre l'école non, à ce moment-là. Non. Cette loi, donc, elle est adoptée, cette loi sur l'instruction publique obligatoire en 1943. Instruction publique obligatoire jusqu'à 14 ans. Juste pour mettre les choses un peu en contexte, en France, une loi semblable existe depuis 1882. Il y a de la résistance. On écoute là-dessus Louis-Philippe Audet, l'historien Louis-Philippe Audet, nous décrit justement les bases de cette opposition traditionnelle à l'instruction obligatoire au Québec. Nous parler aussi du déblocage de 1943, extrait de l'émission Format 30 du 9 février 1972. Le gouvernement ne voulait pas, le gouvernement n'a voulu qu'en 1943. Il n'était pas prêt. On sentait que l'atmosphère n'était pas favorable. Et puis, il y avait l'enseignement de la philosophie de ce temps-là qui disait que l'instruction ne devait pas être obligatoire, que les parents devaient être libres ou non de faire instruire leurs enfants. Alors, ce n'est qu'en 1943, à la suite d'une enquête assez longue, que Teddy Bouchard, pour l'appeler par son nom, a réussi à gagner son point puisqu'il a été l'un des plus ardents batailleurs pour faire adopter cette loi d'instruction obligatoire. Alors, on va revenir, Éric Bédard, sur ce vieux débat autour de l'instruction obligatoire dont parle l'historien Louis-Philippe Audet dans cet extrait. Mais d'abord, le déblocage de 43, peut-être en commençant par cette figure dont il parle de Teddy Bouchard. Qui est-il? Teddy Bouchard, c'est un député libéral, ministre libéral, qui a été longtemps président de l'Assemblée législative. C'était, disait-on, susurrait-on, un franc-maçon, donc un anticlérical bien connu et qui était tout à fait dans cette tradition rougiste qu'on disait à la fin du 19e siècle radicale, c'est-à-dire celle qui réclamait une séparation assez stricte de l'Église et de l'État, ouais, et celle qui réclamait depuis les patriotes des années 1830 un système public d'éducation qui relevait directement de l'État et qui était gratuit et qui était obligatoire. Il était là-dedans, il était dans cette mouvance-là, voilà. Et à toutes les fois qu'il a été question d'éducation, il a toujours pris cette position d'avoir un véritable ministère d'éducation, on en reparlera peut-être, et d'avoir l'instruction obligatoire. Ouais. Ça viendra donc en 43, finalement. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait finalement un déblocage en 43, Éric Bédard? Ben, ce qui se passe, c'est que c'était rendu que même les États pontificaux avaient obligé les élèves de fréquenter l'école, filles ou garçons, en 1930. C'était la mesure de 1930. C'était aussi que même le comité catholique, donc composé des évêques, ouais, avait donné son aval à cette idée au cours de l'année 1942. Parce que quoi? Ben parce qu'on constatait qu'il y avait un décrochage systématique après la 7e année, mmh, en gros. Et ça, c'était quand c'était pas avant, dans mmh, certains milieux peut-être un peu plus reculés. Parce que la règle, c'était, enfin, dans les milieux ruraux, c'est que quand vous avez votre aîné, vos plus vieux, ils devaient venir travailler, ouais, sur la terre. Il y avait une nécessité économique. Il y avait une nécessité aussi économique, mais il y avait aussi peut-être cette idée que c'était pas nécessaire. Si on allait travailler sur la terre, c'était pas nécessaire d'aller plus loin. Ouais. Alors donc, il y avait beaucoup d'absentéisme, il y avait beaucoup de décrochage, et si on comparait le niveau d'alphabétisation et de scolarisation des francophones avec les anglophones, mm-hmm, ou les ontariens, on voyait qu'il y avait un retard épouvantable. Et ça, ce sera fondamental, comparaison comparaison Québec-Ontario, comparaison francophone-anglophone au Québec. Oui. Écoutez à ce propos, et il va parler justement, c'est fascinant parce que vous parliez de la loi qui avait été adoptée à Rome, dans l'État pontifical. Écoutez Hector Perrier, qui est secrétaire de la province au gouvernement d'Adélard Godbout, à l'émission Le chemin des écoles d'autrefois et d'aujourd'hui en 1978. Il va nous parler justement de... Écoutez, je vous en dis pas plus, du texte de la loi de 43, puis un lien direct avec ce que vous venez de nous dire. Mes constatations, c'est à ceci. J'avais été commissaire d'école, hein? Bon. Et j'avais constaté qu'on avait 70 % de nos enfants catholiques, canadiens, français, qui ne dépassaient pas la 7e année. Alors que chez les Irlandais, puis les Anglais, puis etc., c'était la 9e, la 10e, puis la 11e, puis la 12e année. Ça fait un peu choc. Hein? Le cardinal m'a dit, ah ben, si c'est ça, il faut faire quelque chose. Alors, j'ai dit, je crois qu'il n'y a rien qu'une affaire, c'est la loi de la fréquentation scolaire obligatoire. Alors, il dit, allez-y, puis je vais vous appuyer. Et à partir de ce moment-là, ça a été mon principal collaborateur. Alors là, j'ai présenté le bill d'institution obligatoire, ça c'est en 42. Alors, je m'en vais voir le cardinal, et puis comme mesure de précaution, vous savez, l'institution obligatoire, ça a été tabou longtemps. C'était mon frère qui avait rédigé le texte de la loi, en s'inspirant de la loi de la Cité Vaticane qui imposait l'institution obligatoire. Alors, mon article de loi, la seule différence, c'est qu'au lieu que de l'amende des parents est imposée en livre, c'est en pièces. Ça, c'est assez incroyable, Éric Bédard. Oui. Ça montre à quel point, même en la loi sera adoptée en 43, mais il faudra d'abord convaincre le cardinal Villeneuve et l'Église catholique. Oui. Sans l'Église, il n'y a pas moyen, sans l'accord de l'Église, cette loi-là n'aurait pas été adoptée autrement. Oui. Probablement. Alors, il y a deux gros problèmes, probablement, qui expliquent que ça a pris tant de temps. Mm-hmm. Là-dessus, le Québec a été la dernière province du Canada à adopter une telle loi. Le premier problème, c'est un problème de financement. N'allons pas plus loin. C'est-à-dire que il y a eu historiquement des réticences à financer assez massivement notre système d'éducation, l'éducation en général. Et ça remonte dès le milieu des années 1840, cet épisode un peu triste qu'on appelle la guerre des Éteignoirs. C'est-à-dire, oui, ces gens qui étaient, écoutez, c'est pas pour parler contre eux, mais c'était surtout des gens concentrés dans la région de Trois-Rivières, qui étaient opposés à la taxe obligatoire que les commissions scolaires, que le gouvernement, mais aussi que les commissions scolaires voulaient adopter pour financer un système d'éducation. Parce qu'on crée les commissions scolaires en 1845, et donc ce sont les commissions scolaires qui doivent lever les taxes et payer les enseignants. Oui. Mais ils sont très, très chiches, ce qui explique pourquoi, en tout respect pour toutes ces femmes qui ont travaillé très, très dur, qui ont été formées dans des écoles normales, on s'est retrouvé avec des écoles à la Émilie Bordelot, mm-hmm, fille de Caleb, là, mm-hmm, ça trahit mon âge, mais vous savez ce que je veux dire. Donc, des maîtresses d'école qui font ce travail-là avant de se marier, qui vivent dans leur école, qui sont absolument pas payées, très bien payées. Et ça, c'est allé à l'encontre de ce que souhaitait à l'époque un certain Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, qui était le deuxième surintendant à l'instruction publique, qui, lui, rêvait pour les jeunes hommes de son temps, qui se cherchaient des débouchés, qui allaient beaucoup aller aux, oui, États-Unis déjà, qui rêvaient une belle grande profession. Pensez à vous savez, au film de Marcel Pagnol, La gloire de mon père, vous savez, l'instituteur, oui, de la République française, c'était un métier qui faisait vivre un homme, une famille. Qui était respecté. C'était un métier très noble, et, oui, c'était même le vis-à-vis du curé. Mm-hmm. Hein, il y avait l'instituteur et puis il y avait le curé. Bon, ben, Chauveau rêvait à ça un peu pour le Canada français, et parce que les salaires étaient si bas, on s'est retrouvé avec une main-d'œuvre sous-payée. Donc, premier obstacle, l'argent. Deuxième obstacle, et là, il est idéologique, c'est l'obstacle religieux. Il y a eu un ministère de l'instruction publique au Québec de 1867 à peu près, là, à 1875, mais on l'a aboli. On l'a aboli parce que c'était des pressions de l'Église qui craignaient la mainmise, non seulement de l'État, mais des libéraux, mmh, des esprits athées, des gens qui avaient des idées trop modernes. Cette mainmise de cette gauche, de ces progressistes, disait-on à l'époque, pas tout à fait, mais sur le système d'éducation. Et ça, cette perspective-là s'est approfondie avec l'arrivée de tous ces religieux qui fuyaient les lois de séparation de l'Église et de, oui, l'État, qui faisaient rage en France, tout ce débat très, très dur, où plusieurs religieux ont quitté des congrégations au début du siècle parce qu'on les a carrément fermées, souvent des congrégations enseignantes, qui sont venues ici et qui ont dit à notre clergé puis à nos dirigeants plus conservateurs, méfiez-vous de ces athées, de ces francs-maçons. Je vous ai parlé de Thédée Bouchard. Donc, surtout pas l'école obligatoire. Donc, un problème de financement et un problème idéologique. En rajoutant que c'est l'Église, en attendant ce modèle d'un système d'éducation moderne au Québec, c'est l'Église qui contrôle le système. Oui. Alors là, le fonctionnement, c'est qu'à partir de 1875, il y a encore un surintendant à l'instruction publique, mais c'est un pur exécutant. Les programmes sont vraiment écrits, décidés par les comités confessionnels, le comité catholique et le comité protestant. Et il faut dire que les protestants, et ça s'est inscrit dans la loi constitutionnelle, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, l'article 93, les protestants voulaient gérer eux-mêmes leur système scolaire, ne voulaient plus avoir affaire aux catholiques, voulaient leur système à eux, à part. Et donc, ça a fait le jeu des catholiques. Ils ont dit, ben, si c'est ça, si c'est le cas pour eux, c'est le cas pour nous. Et donc, les deux comités confessionnels décidaient des programmes. Ouais. Et le comité confessionnel catholique en faisait partie, les évêques. Ouais. Et puis, pour revenir à cette notion d'instruction obligatoire, il y a aussi, puis l'Église en joue de ça, mais il y a cette question de principe de dire, ce n'est pas à l'État de décider du moment où mon fils ou ma fille quitte l'école, c'est la prérogative des parents. C'est la prérogative du père, et là vous avez une conception très traditionnelle de la famille et aussi de la puissance paternelle. C'est au père de décider ce qui est bien ou pas pour ses enfants et non pas à l'État. Et là, on a une perspective traditionnaliste typique. Et que dira finalement cette loi très, très importante de 43? Donc, cette loi impose l'instruction obligatoire jusqu'à 14 ans. Pour la petite histoire, on va allonger ça à 15 ans en 1961 et à 16 ans en 1988. Et elle aussi, deuxième chose très importante qu'elle prévoit, l'abolition des frais. De frais de scolarité pour le primaire. Il y avait parfois des frais, on demandait aux parents de payer, on abolit ça. Ouais. Donc, c'est un pas vers la gratuité scolaire. Avec une amende aussi, si la loi est enfreinte, si l'enfant est retiré. Absolument, on enfreint la loi si on n'envoie pas ses enfants à l'école jusqu'à 14 ans. Donc là, il y a une mesure de pénalité, il y a une sanction. Ouais. En terminant, Éric, c'est une des grandes lois québécoise, qu'est-ce qui fait qu'elle sera importante pour la suite des choses? Elle est importante parce que là, vraiment, c'est comme si le Canada français des années 40 prenait conscience qu'on ne sera pas dans le coup si on n'est pas éduqué. Donc, c'est une prise de conscience, à mon avis. L'Église se rallie à ce point de vue. Ouais. Il y a un déblocage qui se fait du côté de l'Église par un concours de circonstances. Je note que Maurice Duplessis, qui était pourtant opposé à cette loi, ne va pas remettre en question la loi sur l'instruction obligatoire, d'où la multiplication des écoles durant les années 50 qui sont construites, qui sont en général d'assez jolies écoles, qui ont des fenêtres, qui sont un peu plus jolies que les bunkers des années 60. Mais donc, il va respecter la loi, même s'il y aura encore beaucoup d'absentéisme et de décrochage. Éric Bédard, historien, professeur à la TELUC, collaborateur régulier de l'émission. Merci, Éric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.